Il vous reste 17 jours. La nuit qui vient de s'écouler a été compliquée pour chacun d'entre vous. Il faut dire que votre situation varie très. Un jour, vous sentez puissant. Le lendemain, on vous rappelle que vous n'êtes encore pas important pour le ministère. Que vous soyez en colère, inquiet, blessé ou juste perturbé, votre nuit a été courte. Le sommeil ne voulait pas vous soulager de vos réflexions pendant quelques heures. La nuit ne vous aura apporté aucun réconfort, aucune pause, aucun repos. Au réveil, vous êtes retrouvé au QG Indigo. D'un regard échangé, vous comprenez que vous n'êtes pas le ou la seule dans cette situation. Pour certains, d'autres troubles viennent s'y ajouter. Une menace à son mari, le départ imminent d'un jeune amour. Pire, Victor. Alors qu'après la découverte d'hier soir, tu as décidé de profiter de ta dernière soirée de repos, avoir un petit moment, pour revoir ton oncle. Tu as découvert au fil d'une conversation qu'il avait trouvé une chose importante pour toi, anecdotique pour lui, de la cire fondue devant sa porte. Vous semblez tous réaliser une chose. Il procedimento, lui n'a fait aucune pause. Vous allez devoir remuer ciel et crime pour parvenir à répondre à sa provocation. Vous vous sentez comme enfermé, piégé, parce qu'il existe de pire dans le monde, le temps. Le 24, Sophia s'en ira. Peut-être mieux pour sa sécurité d'ailleurs. Le 25, vous avez la possibilité de travailler pour une vulgaire plaque. Mais surtout, le 3 de la prochaine lune, votre temps sera dépassé. Il procedimento tuera à nouveau, mais qui? C'est à vous d'y répondre. Comment y arriver? C'est à vous d'y répondre aussi. Vous êtes principalement seul, et je vous pose une ultime question à laquelle vous allez devoir me répondre. Que faites-vous immédiatement cette matinée du 22 de la deuxième lune Verdée 1131? Kornilov? Tu as dit que ton mari avait trouvé de la cire fondue, c'est ça, devant sa porte? Oui. Mon oncle aussi. Je pense que c'est pas une coïncidence. C'est clairement pas une coïncidence, d'après moi. Et vous, Esther, Hugo? Personne n'a eu ce genre de truc dans votre entourage? Pas de cire fondue chez moi, mais je sais qu'il s'est déjà introduit dans mon appartement. D'ailleurs, je vais demander à Sophia comment est-ce que ça se fait que la porte est ouverte. On lui a pas demandé, il me semble. Même si je pense déjà connaître la réponse, malheureusement. Eh bien, moi, étrangement, je n'ai pas constaté à mon domicile de telles choses, mais cela fait longtemps que je n'ai pas rendu visite à ma vieille tante. Peut-être faudrait-il que j'aille, disons, inspecter ce quartier. Pour répondre à Esther, quand tu lui poses la question, elle te raconte plus ou moins en fait ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire juste... qu'elle avait entendu du bruit, un peu de manière semblable que la première fois qu'elle avait surpris la personne. Sauf que cette fois, ça semblait être prévu que Sophia l'entende, vu que à peine a eu le temps d'ouvrir la porte, que ce corps, cette masse sombre, en fait, était déjà en fait en fuite. Et devant, elle a trouvé cette plaque de cire. Elle l'a rentrée à la maison et en fait juste elle a, dans la panique de ce qu'elle a vécu, elle a pas pensé à reverrouiller la porte derrière elle. Ok, mais a priori la personne n'est pas rentrée à l'intérieur. Non, la personne n'est pas rentrée à l'intérieur. D'accord. Est-ce que tu peux me redire exactement ce que disait la plaque de cire, s'il te plaît? Tout à fait. D'ailleurs, c'est ça que j'avais noté dans Blabla, mais je l'ai pas noté dans le salon des notes. C'est un peu dommage que... C'est ça que ça sert normalement. Du coup, la plaque disait, si vous voulez comprendre, je vous mets au défi, devinez la prochaine victime. Vous avez jusqu'au 3, Verdée 1131. Donc Sophia, tu as trouvé cette plaque sur le palier. C'est ça, oui. Et donc, cette personne avait frappé à la porte, tu as ouvert, et c'était ça, sur le palier. Elle a pas frappé, il y a juste eu un bruit. Comme quelqu'un qui essaye de rentrer, mais... Ah, ouais, donc c'est une personne qui a essayé, mais qui n'a pas réussi, là. Ouais. Oui, mais comme je vous le disais, cette fois, c'est étrange. J'ai à peine eu le temps d'ouvrir la porte qui était déjà en fuite. La première fois, il y a eu un petit moment de flottement, pas là. Ok. Bon, bah, on sait que maintenant, il n'y a plus de doute possible. Nous sommes surveillés depuis pas mal de temps. Il connaît nos vies, nos familles, nos proches. Nous sommes clairement dans un traquenard, si je puis dire, bloqué entre deux psychopathes. C'est ça. Et il va falloir qu'on arrête le premier pour se débarrasser du second. Genre dans les parages, si quelqu'un aurait pas vu quelqu'un se diriger vers chez nous. Je sais qu'il y a peu de chance et je pense que ce sera pas sur une erreur aussi bête qu'on le coffera, mais on n'a rien à y perdre. C'est clair. Ok. Bah du coup, je pense qu'avec Victor, du coup, on va faire le tour des étages et on sait jamais, peut-être que quelqu'un l'a croisé dans un couloir et pourrait nous faire une description. Pendant ce temps-là, Kornilov, Hugo, est-ce que vous avez quelque chose à faire ou est-ce que vous restez en réflexion? Vous pouvez très bien échanger hein, sur vos réflexions. Eh bien, moi, je vais sûrement me replonger en travail de profondeur sur les informations qu'on a, en particulier les plaques qui viennent des archives des métropolites. Mmh. Pour essayer de voir des détails auxquels qu'on aurait survolé, peut-être. Et il y en a pas mal en réalité, je m'en suis rendu compte. Très bien. Connaissant plutôt mal l'affaire, je ne sais pas si tu me laisserais t'accompagner dans cette tâche. Peut-être qu'un second regard qui t'accompagnerait permettrait. Faire sortir plus de choses. Clairement, plus de toute manière, tu as déjà réorganisé certaines de nos plaques sur d'autres missions. C'est que tu as un certain savoir-faire dans le domaine des plaques, alors pourquoi pas. J'en profite du coup pour indiquer. Malheureusement, sur ces points-là, j'aurais pas OD. Je vais faire rentrer un peu plus le joueur que le personnage. C'est une décision de ma part. Toutes les informations que vous avez se trouvent dans le salon dossier enquête. La grosse partie geste première de Willum. Donc ça vous permet de savoir tout ce que vous avez. Il y a toutes les plaques et les disques phonographiques. Si vous voulez les écouter, il y a une retranscription textuelle juste en dessous. Donc ça vous permet d'avoir la boîte de cuivre que vous avez eue à l'archive du bâtiment institutionnel du ministre de la Propagande à l'époque. Donc je vous laisse du coup réellement du coup replonger dedans pendant que je m'occupe d'Esther et de Victor. Vous deux, vous allez donc faire votre petite, j'ai envie d'appeler ça résidence pour qu'on ait la même image en tête. Je vous rappelle, hein, c'est vraiment en fait quatre bâtiments qui forment en fait un carré et qui s'élèvent vers le ciel, et ce qui fait qu'en fait vous avez vraiment une tour mais creusée à l'intérieur avec une petite cour à l'intérieur. Cependant, comme je l'avais dit, ce n'est pas gardé, parce qu'en soi c'est pas une vraie résidence comme dans notre monde à nous, je me permets un peu de méta, mais c'est juste pour vraiment faire comprendre la différence, c'est que c'est pas une vraie résidence. On a dit voilà, ces gens-là font partie d'un même tout, c'est juste en fait l'architecture qui a donné ce petit square, mais voilà, c'est pas un lieu à proprement dit, donc du coup il n'y a pas une personne pour surveiller les appartements de tout le monde. C'est d'ailleurs en fait très peu commun dans l'univers. Okay. Quoi qu'il en soit, vous disiez donc d'aller voir vos voisins direct. Et c'est vrai que, en fait, c'est pas bête du tout, parce que, malgré tout, il a agi de jour. Bon, c'était plutôt soir, hein, si vous estimez un peu le temps que ça a pris. Mais voilà, il a quand même agi de jour, il y avait peut-être quelqu'un qui était chez lui, qui l'a vu fuir, etc. Donc c'est quand même une bonne idée, en fait, d'aller voir s'il n'y a pas des témoins directs. Bien que vous doutez qu'il a dû prendre des précautions, mais sait-on jamais, on ne peut pas tout prévoir. Donc vous allez pouvoir toquer, s'il est là, en dessous. Votre petit square de vie est toujours assez vide de vie. Hein. Comme la plupart des gens qui sont installés là, je vous rappelle, vous êtes en basse haute ville, hein, sont des gens qui sont en train de travailler. Et surtout, vous savez que la basse haute ville, c'est des gens qui sont souvent à l'aspiration de finir en haute ville. Hein, et donc, c'est des gens qui, au même titre que les ouvriers, passent énormément de temps à travailler. Typiquement, c'est très rare les artistes qui habitent vraiment en basse haute ville. Ils ont plutôt tendance à être en haute basse ville. Hein, si vous voulez voir ce que je veux dire en termes d'échelle sociale, eux, ils sont plus proches quand même de la basse ville que de la haute ville. Alors que vous êtes plus proche de la haute ville quand même. Je remarque que c'est pas toujours idéal en fait de parler de basse haute ville comme ça, mais c'est pour vous donner un peu d'image. Donc c'est souvent en fait assez vite, parce que c'est souvent en plein travaux et c'est rarement des artistes qui vont rester là, qui ont des ateliers là, c'est un peu plus loin généralement ce genre de choses. Et donc vous allez malheureusement assez souvent tomber sur des portes qui ne répondent pas. Malgré tout, vous allez tomber plusieurs fois sur plusieurs personnes. Et je vais demander au premier d'entre vous deux qui veut me lancer un D6 pour voir un peu ce que je vous en fais. 5. Très bien. Donc 5. Ok. Vous ouvrez et vous tombez sur une jeune femme. Elle vous ouvre et vous dit avec un petit accent. Sachant que les accents sont assez rares, hein. Je rappelle qu'il y a une langue universelle toujours un peu de background, hein. Il y a une langue universelle sur toute la toile, à la base les langues commencent à diverser, mais le fait que rapidement les traverses se sont rejoints, ça fait que du coup très rapidement il y a une langue universelle qui a été installée, donc en fait les accents et surtout les langues étrangères c'est souvent en fait symptomatique d'une personne qui a vécu sur les traverses dans un petit entre-soi et qui ont pu développer ça, mais c'est très peu usé. Kornilov, effectivement, il n'est pas étonnant que tu connaisses cet un dialecte qui appartient au Lansk. Donc voilà, les accents, c'est quand même assez rare. Et donc, voilà, il y a cette jeune femme qui vous répond avec un très léger accent, pour le coup. Hein. Il n'est pas appuyé. Bonjour. Bonjour. Vous aider. Vous êtes en uniforme ou pas? J'oublie toujours de poser la question. Oui. Je pense, oui. Oui, oui. Moi, pas. Oui, aussi, parce qu'à l'avant, on s'était rendu à la réunion. Donc, oui, on était sans uniforme et on s'est pas changé depuis. Bah, comme vous êtes. Il y a eu une nuit entre temps, donc vous aurez pu changer. Ah, il y a eu une nuit entre temps, désolé. Ouais. Oui. On est le 22, la réunion était le 21. En effet. Bonjour. Mais. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider Nous aurions besoin de savoir si, à tout hasard, hier, en fin d'après-midi, vous auriez vu une personne quitter... donc je montre du doigt cette... Alors c'est quoi? C'est une cage d'escalier? C'est un truc comme ça? Non, en fait, les escaliers sont effectivement à l'intérieur, mais c'est pas non plus une cage d'escalier, c'est juste des escaliers en fait à l'air libre. Oui. Hein. Si vous avez vu une personne quitter cet escalier, ici, je le montre... Une personne qui aurait pu avoir l'air louche, entre autres. Tu vois qu'elle réfléchit et... En quel honneur vous me posez la question, si je puisse me permettre Eh bien, il s'avère que cette personne pourrait être une personne dangereuse pour notre quartier et pour les gens qui y habitent. Et vous? Donc c'est pour ça que nous enquêtons sur cette possible personne. Tu vois que elle sort un peu de la porte, elle lance un regard vertical de haut en bas pour suivre un peu la bâtisse, hein, et se recule. Entrez, j'ai de quoi vous substanter. Oui, merci beaucoup, madame. Là-dessus, nous rentrons. Vous voyez que elle commence à sortir quelques verres et vous propose tout simplement un peu d'une boisson dont elle est très très habituée. Elle vous le présente comme ça, qui est du thé. Si vous acceptez, elle vous sert tout. Oui, bien sûr. Coup, merci beaucoup. Je vous remercie. Et elle s'assoit du coup autour de sa table. Je ne suis pas sûr de ce que j'ai vu. Vous savez, je suis actuellement en pause forcée vis-à-vis de mon travail. Et du coup, depuis quelques jours, je suis à la maison et j'entends un peu la vie ici. Et il y a eu quelques bruits qui m'avaient inquiété. J'ai été voir à la fenêtre et j'ai vu quelqu'un partir en courant. Il semblait venir effectivement de l'étage, moi un étage supérieur, je ne sais pas s'il vient particulièrement de votre étage, j'aimerais pas... Vous comprenez, si... En fait, si ça m'a marqué, c'est que cette personne, je ne pourrais pas vous la décrire. C'est-à-dire ? Comment ça ? C'est-à-dire qu'elle était... Elle avait des vêtements qui faisaient tout le corps, je ne l'ai vu que de dos, mais... Même les cheveux, je n'ai pas pu les apercevoir. Comme si elle portait un habit qui la recouvrait complètement. C'est cela, oui. Elle avait une tenue de la tête aux pieds. Je n'ai même pas cru voir son visage. Est-ce que vous vous rappelez si elle était plutôt grande, plutôt petite? Non, je saurais dire, elle était seule au milieu des escaliers, c'est pas idéal, mais pas particulièrement grande ou petite, du coup, je vois une taille normale, moyenne, je pense. Moyenne. Est-ce que sa silhouette, vous pourriez définir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme ? Je ne sais pas, je crois pas. Oui, effectivement, s'il était habillé des pieds à la tête avec des habits amples qui cacheraient ses formes, ça pourrait, c'est peut-être tout à fait compréhensible. Mais de quelle couleur étaient ses vêtements ? Une teinte, voyez-vous, c'était pas tout à fait du marron. En fait, je pense que ce qui fonctionne le mieux en termes de couleur, c'est la couleur que prend les crimes lors de rouille. Elle a une couleur, vous savez, brune, mais un peu particulière, les crimes pendant cette teinte. Et je dirais que la tenue avait cette couleur-là. Rouille. Sauriez-vous nous dire... Je sais que je vous en demande peut-être trop, mais de quel genre de tissu était l'habit ? De tissu ? Oh, okay. Bien, si c'était du cuir, si c'était de la... Je me souviens d'un mélange un peu particulier. Je pense qu'il y avait plusieurs couches de vêtements, comme une tenue... voyez-vous, un peu militaire, mais pas officiel. Militaire, mais pas officiel. C'est intéressant. Je me regarde Esther, et du coup, je lui dis... Tu aurais d'autres questions ? Rien d'autre que vous auriez aperçu qui pourrait nous aider d'une quelconque manière à remonter sur cette... Enfin, à retrouver cette personne ? Excusez-moi. Un détail quelconque qui vous reviendrait. Comme je l'ai dit, je n'ai vu qu'une personne habillée de la tête aux pieds. Vous n'aviez jamais vu auparavant ? Non. Je suis vraiment désolé, j'aimerais vous aider plus que ça, mais... Vous comprenez que je n'ai pas envie non plus de dire des mots qui pourraient accuser une personne innocente. Bien sûr. Je vous remercie, madame. Votre aide nous a été extrêmement... Je vous propose le thé là-dessus, du coup, j'imagine que je vais assez rapidement me diriger vers la sortie, mais de rien. Ok. Je suppose que Victor fait pareil. Oui, je fais pareil. Eh bien, vous sortez, Et je vais juste voir un peu du coup ce qu'il en est de Kornilov et Hugo pendant ce temps-là. Est-ce que vous avez des choses à partager? Et Kornilov, je t'écoute. Mais moi, j'ai mille et une choses à partager sur ces plaques qu'on n'avait pas assez lues. Eh bien, vas-y. C'est que déjà, on est passé à côté de quelque chose, c'est que les enquêteurs précédents, enfin précédents, les premiers donc, le Piani. Non, non, c'est pas Piani. Pini. Piani, c'est mon pote à moi. Oui, Antonio. Oui. Eh bien, il avait un suspect à un moment. Ricardo Ferreira. Oui, mais qui a été innocenté. Oui, innocenté pour second meurtre, mais en tout cas, ça m'intéresserait de savoir s'il colle au profil que nous on a, c'est-à-dire celui de l'artiste qui connaît les techniques Squad celui-là et tous les machins. Peut-être qu'il fait partie d'un groupe de tueurs. Ensuite, il y a aussi l'information très intéressante qui est toutes les victimes se sont connues, celles qui étaient sur les plaques en tout cas. Ce qui peut être intéressant pour le futur, parce que si la prochaine aussi elle connaît tout le monde, ça peut nous aider. Et Oui, on en a. effet, si on arrive à T'es pas là établir pour le le lien second. commun entre toutes les victimes. Et il y a une phrase que j'ai du mal à comprendre qui est assez énigmatique, c'est ils furent cinq à savoir. À savoir quoi, je sais pas, mais on n'a pas réussi à retrouver les enquêteurs parce qu'il y en a un qui est mort et l'autre est disparu. C'était dans quelle plaque? Dans quel disque? Ils furent cinq à savoir, c'était dans l'avant-dernière plaque. Ouais. Et voilà. Et du coup, en me basant sur il connaît que le fait que les victimes se connaissent entre elles, je me suis dit du coup qu'il serait intéressant de refaire un tour chez les gens qu'on sait être en contact avec la dernière victime en date, c'est-à-dire Fotus. Dont les gens qu'il connaît sont donc Victor, son mari, Maria, qui travaille au théâtre avec lui, qui travaille au théâtre avec lui, Auguste, qui est un de ses rivaux, Roland, qui est aussi un de ses rivaux, et Aaron, qui lui aussi bosse au théâtre, qui était celui-là qui nous a accueillis, ouverts et fait visiter. Il faudrait les retrouver à nouveau et leur demander s'ils connaissent pas les autres victimes, une à une. Ça nous aiderait à savoir s'ils sont dans les victimes potentielles. Puis surtout, il faudrait peut-être aussi déjà de notre côté, peut-être plus que les interroger, essayer de trouver un lien justement Oui, on a aussi un entre. autre truc par rapport au lien, comme tu dis, justement, ça m'y fait penser. C'est qu'a priori, je crois, trois plaques sur quatre ou deux plaques sur quatre. Nous disent donc que la victime avait des occupations assez diplomatiques, ou en tout cas de voyage. Il faudrait savoir si Fotus, avec son petit théâtre rouge de bas quartier, lui aussi correspond à ce profil ou pas, j'en sais rien. Et si d'autres personnes parmi nos potentielles victimes sont aussi dans ce domaine-là. Et justement, moi, ce que je voulais savoir, enfin, j'ai remarqué, c'est essayer de savoir si on peut pas trouver un lien entre Fotus, justement, et les autres victimes précédentes. En effet. Et du coup, il va falloir. Pour Fotus, je pense que le plus simple, ce sera d'aller voir son mari et tous les gens qui l'ont connu, quoi. Donc forcément, on en arrive au fait qu'il faut revoir toutes les premières personnes qu'on a interrogées en premier sur cette affaire, avec de nouveaux éléments. Qu'est-il advenu du cadavre de Fotus? Il a Enfin, il a été. été Ouais, il a été inhumé. récupéré. Il a été récupéré et je pense qu'il a dû. Les gens se sont débarrassés depuis le temps, vu qu'on a dit que Ouais. c'était qu'on avait fini avec le corps. Très bien. Mais si tu veux que je te rafraîchisse là. Ah, mais non, mais c'est dans les plaques, de toute manière, tu le sais. Il y a des signes gravés sur les corps. Oui, ça, c'était justement, c'était ce que je voulais. Et du coup, on avait établi que ce signe correspond à un certain art, ça. Non, c'est une musique qu'il avait fait jouer au lieu où on a trouvé le mort, qui donc fait partie de la technique Scodaculla. C'est une musique qui est pas très bien vue, tout ça, tout ça. Et pensez, je pense qu'à l'avenir, si jamais malencontreusement, et je ne l'espère pas, d'autres victimes s'avéraient être dénombrées, nous pourrions faire appel au service de Milo pour garder une trace, venir un peu plus de l'état des corps et pouvoir peut-être. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une piste à creuser. Tu veux bien me rappeler qui est Milo par hasard? Ah oui, bah oui, mais c'est mon pote, c'est un... enfin, c'est mon. C'est pas mon pote, je veux dire, c'est. Mon mari le connaît, Oui. oui, en effet. Tu veux dire les services, tu veux dire genre. Utiliser des. Enfin, le. Ouais, des photos? Les photos. Les photos, oui. Oui, ben, si on a un autre cadavre, on le prendra en photo, surtout. Oui, ce que je pense, personne n'espérait s'y mettre. En effet. Ça Et du coup, voilà, je sais pas si. restera. Non, vas-y, vas-y, vas-y, finis ta phrase. Non, je voulais juste demander à Hugo si lui, il a d'autres pistes autres que de, comme je l'ai dit, réinterroger tous les gars de base. Est-ce qu'il a d'autres propositions par rapport à ça? Bah non, moi j'allais proposer d'essayer de trouver enfin deux trois clochards en face du théâtre, mais non, c'est pas bon. Pour enfin d'essayer d'avoir des espèces de mouchards quoi. C'est pas très. Non, finalement je me rabats sur ce que t'as proposé. Victor, Esther, je considère que vous rentrez. Je vous laisse si vous voulez participer un peu à la conversation. Juste savoir en fait si vous, en tant que joueur, vous avez aussi des pistes et voir ce que vous en pensez du coup de la position de Kornilov. Je considère qu'il a résumé aussi Ouais, à bien vous sûr. ce qui est Déjà, important. on leur raconte ce que nous, on a vu, Exactement. Oui, même tout à si fait. ça n'a pas été extrêmement fructueux. Ensuite, du coup, on va étudier en effet ce que dit Kornilov, et pour ma part, je trouve ça assez intéressant. De reprendre un petit peu le truc à la base avec un peu plus de recul. Moi, j'ai une question pour Esther. Oui. Justement, vu que tu viens de nous raconter ce que vous avez Voilà, vu, pareil, voilà, je vous ai tout résumé. la description que cette femme a fait de la silhouette, même si elle est très floue, sa description, est-ce qu'elle correspond à ce que toi tu as vu la fois où tu as entreaperçu notre bonhomme? À peu près ça, ouais. D'ailleurs, peut-être que l'AMJ, Madame l'AMJ, pourra La question me un peu valider ou pas. Bah, c'est uniforme et vrai tout que dans ma ça. tête, je me suis même pas posé la question, mais c'est plutôt pertinent. Effectivement, ça marche. Ça colle comme description. Ok. Donc, je rappelle que des gens vêtus de la tête aux pieds avec généralement des masques, ça ne court pas les rues. Oui, c'est sûr. Enfin, il a peut-être couru dans la rue, Ça mais. court dans la rue, mais ça Voilà, fait que ça ne court pas courir. les rues pour ça. Non, mais très bien. Victor, je sais pas si t'as un truc à rajouter. Non, c'est sûr que c'est ce qui est sûr, c'est que ce El Procedimento est un personnage plutôt doué dans ce qu'il fait, et ça ne m'étonnerait pas que il ait accès à des choses. Que peu de gens peuvent avoir. Et ça me confirme de. Ça m'amène de plus en plus à penser qu'on a affaire à quelqu'un de haut placé de Venise. Par conséquent, quel est votre plan dans l'immédiat? Est-ce que vous mettez en marche le plan de Kornilov? Est-ce que vous avez d'autres choses Bah, disons que sur pour le l'instant, on quartier? a. Pas Ah oui, vraiment de faut bien piste démarrer quelque particulière. part, hein. Si jamais il y a des choses qui vont dans le sens de peut-être la description des habits de la personne qui, enfin de El Procedimento, savoir quelque chose de couleur rouille avec plusieurs couches de tissu et quelque chose qui fait assez militaire. Si dans tout ça on venait à voir quelque chose qui se rapproche, ça peut être une piste aussi à creuser, je pense. C'est effectivement garder en tête. Bon, je me permets de refaire un aparté. Je le ferai pas tout le temps, mais parce que c'est première session dans ce scénario-là. Mais comme je le disais dans notre briefing, c'est assez vrai, ou c'est vous qui allez devoir prendre les devants, parce que je n'ai rien prévu pour vous aider. Donc voilà, tout ce qui vous paraît intéressant, notez-le, et faites en sorte que du coup, d'étudier le cas. C'est la seule fois que je me permets de le redire dans le scénario pour ancrer ça une bonne fois. Toutes les indices que nous avons doivent être exploités, et là, pour l'instant, les indices qu'on a, c'est la tenue de la personne qui est partie. Tout à fait. Donc, vous allez vous mettre en route pour aller étudier, aller revoir, en fait, finalement, le cas Photius, parce que, il est vrai que vous avez eu, pour l'instant, une bonne réflexion, mais c'est votre première approche avec le procedimento. Vous savez que c'est lui. Vous avez fait une première enquête qui, elle, était sans savoir qui était procedimento, donc vous allez d'abord chercher un tueur de manière classique. Maintenant, vous savez que ce que vous cherchez autour de cette affaire n'est plus qui l'a tué, mais surtout comment, pourquoi, ce genre de choses. Donc, je vous laisse aller étudier, et surtout me dire, mais qui vous voulez commencer à étudier. Les noms ont été cités par Kornilov, donc je peux vous rappeler les gens en jeu, parce que pour le coup, il l'a fait, donc ça ne me dérange pas de vous le redire une fois à voix haute, si vous voulez, les gens qui étaient en jeu. Mais sinon, je vous pose directement la question. Par qui vous voulez commencer par vous entretenir, hein. Le mari, ça me semble le plus simple pour reprendre aux racines de la chose, des relations du monsieur. Très très bien. Et bien du coup, vous allez voir Victor Beletskaya. Ça me va. Vous allez devoir prendre quelques heures devant vous pour réussir à vous entretenir avec Victor. Effectivement, au tout début, il n'était pas chez lui. Il a fallu aller chercher du coup son lieu de travail, ce genre de choses. Et vous finissez par tout simplement le trouver au petit théâtre. Le lieu de la mort de Photius. Vous finissez par réussir au bout de 2-3 heures de recherche, donc on est en début d'après-midi, vous finissez du coup par tomber sur Victor, tout simplement au milieu d'une petite troupe et accompagné simplement d'un saxophone. Et je vous laisse, si vous voulez, savoir comment vous engagez la conversation, est-ce que vous avez demandé de vous isoler, etc. Je vous laisse gérer ça. Vous venez de rentrer dans le petit théâtre rouge. Si vous vous demandez, notre cher Aaron, qui gère l'accueil, est encore là. Et il n'a pas l'air plus heureux, d'ailleurs, qu'il y a une lune de ça. Mais voilà, il est encore là, et c'est d'ailleurs lui qui vous indique le chemin de où se trouve Victor, et vous finissez par tomber, du coup, comme je disais, Victor, au milieu de quelques personnes avec un saxophone dans les mains. On lui fait signe de venir. Ok. Eh bien, tu vois que il vous voit, et puis il acquiesce de la tête. Il s'éloigne de la troupe et de vous, en fait. Il va marcher jusqu'au bout de la pièce, pose son saxophone, et revient vers vous. Vous lui parlez, vous allez rester dans l'accueil du théâtre, est-ce que vous allez vous isoler dans une des pièces? Je pense que c'est mieux de prendre à l'écart peut-être pour un peu plus de confidentialité. Très bien. Je te laisse commencer, Kornilov, vu que tout est frais pour toi. Donc, Juste, est-ce que à partir de maintenant, je me permets de faire cette petite remarque, comme on sait que quelqu'un nous suit. Qu'on est suivi concrètement par Monsieur Procedimento, est-ce que on essaierait pas de prendre plus de précautions et par exemple typiquement quand on interroge quelqu'un, que quelqu'un qu'on fouille la pièce, que quelqu'un surveille un peu la pièce, du coup le petit théâtre, mais c'est qu'on essaye de repartir avec des de prendre des habitudes un peu plus sécuritaires. C'est pas bête. Après, si jamais, en l'occurrence, si vous voulez nous suivre là, vu qu'on a pris des vélos, on est a priori plus rapide que lui. Mais à moins qu'il nous suive à vélo, mais dans ce cas, il est plus facile à repérer, j'imagine. Ouais. Bon, après, il nous suit pas tout le temps, la preuve, puisque on n'était pas, il est passé chez nous alors que on n'était pas là. Mais je suis d'accord qu'il risque les prochains jours. Je pense qu'il prend un certain chiffre comme ça. Ouais, c'est sûr. Bah écoute, Kornilov ou Hugo. Écoutez, cette fois-ci, je me propose pour inspecter un peu tout le théâtre et ses alentours, et puis vous interroger. Comment dire, notre témoin. Enfin. Voilà. On parle là-dessus ? Ouais, ok. Ok. Je vous laisse enchaîner avec le témoignage, je parlerai à Hugo tout à l'heure, du coup. Avec Victor, il est plutôt mal à l'aise, hein, votre présence. Non pas qu'il ait un truc contre vous, mais la dernière fois que vous êtes venu, vous l'avez annoncé la mort de son mari. C'est pas forcément toujours bon signe de vous voir. Bon, il a plus personne, de toute façon. On lui a fait écouter de la musique, quand même. Waouh. Ah voilà, du coup, il est un peu mal à l'aise. Il vous regarde, attendant que vous preniez la parole, osant pas trop. Ok, bon, bah, je dis que j'ai été désigné. Ah, d'accord. Ah, c'est bonjour. On m'a dit, Cornelia, occupe-toi. Vas-y, vas-y. On fait les introductions, tu sais parler aux humains, toi. Ah, ok, bah. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous vous rappelez nous, j'imagine ? Oui, oui. Un peu difficile à oublier. Mon collègue, enfin moi et mes collègues ici présents aurions quelques questions à vous proposer, à vous poser, pardon, à propos de la mort de Fautius, si cela ne vous dérange pas. Je vous l'ai dit, je suis prêt à vous aider, malgré ce que c'est. Je sais que c'est sans doute très difficile. Si vous voulez vous poser, vous asseoir ou autre, n'hésitez pas. Vous voyez que à son invitation, enfin à ton invitation, il répond favorablement et il vous a emmené en fait à l'arrière-salle, hein, parce que de toute façon vous êtes déjà allé une fois, donc il n'y a rien d'important à part des disques. Vous êtes des métropolites, il risque pas un vol. Et du coup voilà, il va dans l'arrière-salle, il s'assoit sur le petit siège qui sert normalement à l'opérateur. Donc il s'assoit et continue de vous regarder, toujours stressé, avec des énormes cernes, la barbe à pousser, les cheveux un peu aussi. Fatigué, visiblement. Monsieur Beletskaya, je vais vous demander, à nouveau comme la dernière fois, de nous faire une description de votre défunt compagnon. Très, très bien. Fautius. Était personne. Gentil, sans réel problème, un excellent. Il excellait dans le théâtre. Un homme bon qui n'a jamais eu de problème, je vous l'ai dit. On vivait comme on pouvait. Il était acteur, il gérait un théâtre populaire. Je ne sais quoi vous dire. Sa pratique du théâtre, elle était purement sédentaire, c'est-à-dire ici, ou est-ce qu'il bougeait plus que ça ? Vous savez, Fautius vient de la Rhodésie. Il vient des provinces rhodésiennes. Donc oui, il a voyagé, mais depuis qu'on s'est rencontré, qu'il est venu sur Venise il y a 6-7 ans, je crois, il n'est pas reparti depuis. Il avait, je vous l'avais dit, travaillé d'abord dans des théâtres très prestigieux, y compris parmi la haute société, et il y a quatre teintes. Il est reparti dans la basse ville tenir ce théâtre. Mmh. Donc il a bougé que de manière, d'abord pour venir à Venise et après il est resté quoi. Quelles étaient ses fréquentations habituelles en dehors des gens de ce théâtre et toute la population qui vit ici ? Des gens importants, des gens qui voyagent, des diplomates ? Bien sûr, comme je vous l'ai dit, Flotus a d'abord commencé dans les hauts théâtres de la ville, donc il a parlé à de grands hommes, enfin Auguste Vachet par exemple. C'est tout de même quelqu'un d'important pour la vie de Venise. Il en va de même pour tous ses autres contacts. Donc oui, c'était pas particulièrement ses amis, je dirais même qu'il avait du mal avec la haute société, mais il était en contact, oui, avec des gens plus ou moins importants. Mmh. Je vais vous dire quelques noms, vous allez me dire si il vous semble être assez familier avec... Enfin, avoir été assez familier avec votre défunt compagnon. D'accord. En espérant que vous connaissez au mieux ces relations. Est-ce que un Horton, ça vous dit quelque chose, un Nicolas Horton? Non. D'accord. Une Théana Foutuelle. Non plus. Une Abby, est-ce qu'il connaissait Abby? Abby Creed. Je connais personnellement, enfin on connaissait une Abby, mais redites son nom. Creed, C-R-E-E-D. Je crois pas, non. Oh putain, ce faux espoir. Une Frost. Non. D'accord. Est-ce que vous voyagez beaucoup, monsieur Basquiat? Pas la moindre du monde. Enfin, la situation n'a pas beaucoup changé en une lune. Le reste une personne sans trop le sou et... D'accord. C'est votre nom ou c'est le nom de votre mari que vous portez? C'est le mien. D'accord. Donc vous venez d'où? Vous connaissez le nom de Frotus? Oui. D'accord. moi, je viens du Lansk, monsieur. On doutait. Dis-toi, monsieur Beleskaya, j'ai une question à vous poser. Vous êtes donc dans le monde du spectacle. Bon, si j'ai bien compris, vous êtes plus dans le thème musical que vraiment la comédie. Mais savez-vous si certains comédiens ont un genre de tenue de scène qui pourrait recouvrir entièrement le corps comme un déguisement qui... Oui, les comédiens usent de déguisements, de masques même, cela vient de... Je veux dire, le quartier de la ville dédié aux arts du théâtre s'appelle Le Masque, ce n'est pas pour rien, ça reste... Seriez-vous figure... Le conseiller, pour vous, un des meilleurs artisans qui pourrait faire ses costumes pour les comédiens. Je ne les connais pas. Mais si vous allez voir à la loge, il y a de fortes chances que les sachent. Ou même chez la loge des antiquaires, il y a plein de gens talentueux dont c'est la spécialité. Je suis désolé, moi, j'ai toujours géré le côté musique. Donc, la loge des antiquaires, encore une fois. Décidément, on va les voir souvent. Je vous l'ai dit, la loge d'antiquaires touche à plusieurs... À plusieurs domaines, mais la loge du masque du théâtre a aussi plein d'artisans dédiés à l'art de la tenue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'aurais éventuellement quelques questions également, si jamais Vous en avez fini? Vous suis disponible. Pour ma part, oui. Ouais. J'aimerais du coup procéder sur plusieurs points. Savez-vous si votre mari avait fait, vous aurait parlé d'une rencontre qu'il aurait fait peu de temps avant sa mort, quelqu'un qui serait survenu, quelqu'un d'un peu intrusif ou autre? Une rencontre? Non, les... non, les derniers mois étaient plutôt calmes. Enfin, surtout en fait depuis la descente en basse ville. Hein. En fait, je veux dire, vu que nous avons quitté les grands théâtres connus de Venise, le public a énormément changé. Avant, nous étions des vedettes. Aujourd'hui, surtout il était une vedette. Aujourd'hui, on est descendu il y a quatre teintes de ça. Et... quatre teintes, c'est bien ça. Là. Quatre lunes, j'ai un doute. Excusez-moi. ce que je disais depuis le début, c'était bon. Quoi qu'il en soit, oui, non. Non, du coup, ces dernières lunes étaient très calmes. Ok, très bien. Mon collègue, un petit peu, en fait, de décrire simplement le profil del procedimento tel que nous l'avons préalablement décrit, auriez-vous vu auparavant une personne semblable à près de votre domicile? Est-ce que cela pourrait vous revenir? Vous n'avez pas forcément fait lien au tout début, mais comme ça voudrait autour de chez vous, ou peut-être avez-vous trouvé des traces de cire devant votre porte, eu l'impression une fois que quelqu'un était rentré durant votre absence sans vous. C'est compliqué, ouais. Là. J'ai non pas de... Alors, personne traînait particulièrement à la maison, puis j'y étais souvent, donc ça aurait été étrange, mais... Et de même, non, pas de taches de cire, non, ce genre de choses, rien de tout ça ne me parle. D'accord. Ce sera tout. Est-ce que Cornio, tu veux rajouter quelque chose, ou est-ce que vous mettez fin à la conversation? J'aimerais, parce qu'à un moment, malheureusement, j'ai perdu mon attention à cause du bug que j'ai eu. Ça parlait à un moment d'un truc des antiquaires, j'ai pas suivi d'où ça venait, où ça allait, qu'est-ce que quoi. C'est par rapport au costume, c'est ça? Ouais, Gossed a demandé où est-ce qu'on peut trouver les meilleurs artisans vis-à-vis des costumes. Et en fait, il a juste répondu de manière très logique, la loge des antiquaires qui gère un peu tous les arts, parce que je vous rappelle que la loge des antiquaires, c'est la branche... anti-classiste de l'art, donc tous les gens qui sont refusés par des entités telles qu'on a nous dans la vraie vie des beaux-arts, etc., finissent dans la loge des antiquaires, et la loge du masque qui est la loge du simplement qui est dédiée en fait aux arts du théâtre. Okay. Donc en fait, il a juste dit tu cherches aux gens qui font du théâtre, en fait, c'est pas voilà. Et j'aimerais rajouter, si possible, quelle est votre relation justement avec cette loge des antiquaires, votre relation et celle de votre défunt compagnon? Oh, la loge des antiquaires... Je veux dire que nous avons commencé, comme je disais, dans un théâtre de la haute, et par conséquent était très accepté déjà dans la loge du masque, et pour moi... Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, on n'a pas de contact avec les antiquaires particulièrement. Génial. En soi, pour ma part, je n'ai plus de questions. Bon, à tout hasard, je peux toujours vous demander, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de costume? Est-ce que vous avez déjà croisé ce genre de costume ou... Fais-moi un des six pour moi, s'il te plaît. Tu vois qu'il hésite. Non, ça me dit rien, désolé. Ok. D'accord. C'est pas grave. Très bien. Parfois, allez, où je regarde les autres. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou est-ce que vous dispensez notre avis. On passe à la prochaine perte de temps. Merci et faites attention à vous quand même, on sait jamais. Tu vois qu'il acquiesce et vous accompagne. Hugo, de ton côté, tu as fait le tour. Alors, je vais pas te faire de jet de dés parce qu'en fait, il n'y a pas de jet de dés de surveillance, c'est tout l'intérêt des crimes. Il faut que le joueur en fait y pense. Tu as passé du coup le temps de cette réunion à surveiller, à faire le tour et du coup du théâtre et un peu de ses environs. Et bah, surtout, ce qui gêne principalement, c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui traversent les rues. Sur... Alors le théâtre, ça va, hein, il n'y a que les... Le théâtre, niveau personne, il n'y a que les participants, donc c'est très facile à surveiller. Et bon, mis à part que si l'un d'entre eux est le procedimento, normalement, il n'y a pas trop de risques, ce qui est tout à fait possible, hein, tout à fait. Gossed a raison de hausser les épaules, hein, sait-on jamais. Mais pour ce qui est dans la rue, c'est beaucoup plus difficile à surveiller, vu qu'il n'y a que des masses de gens, en fait, dans les rues. Et c'est un peu difficile de savoir si dans l'eau, tout le monde est là pour de bonnes raisons ou pas. Et bah, très vite, en fait, surveiller les gens qui traversent la rue, c'est un peu à laisser tomber, comme idée. Les gens là qui sont là, c'est des comédiens de la troupe, c'est ça? Ah, c'est bien, des... Pour le coup, les gens qui sont là, c'est une petite troupe de musiciens qui, de temps en temps, pour le coup, populaires eux aussi, et qui de temps en temps en fait travaillent avec le théâtre. C'est pour ça que Fautus était un peu en maître de groupe. Pas Fautus, excusez-moi, Victor. Mais voilà, du coup, ce sont principalement des gens du musical. Mais qui bossent de temps en temps avec... avec ouais, c'est ça. Avec eux. Oui, en gros, ils sont plus ou moins associés. En fait, je vais peut-être vite fait retourner voir la personne, rapidement, si c'est possible. Oui. Comme ça, elle arrache tout seul. Hein. J'imagine qu'elle doit être toujours dans l'endroit où on l'a laissé. Alors, je sais pas si les autres viennent ou j'y vais tout seul. Vas-y tout seul. Excusez-moi, une dernière question. Les gens qui sont là, vous les connaissez depuis toujours ? Oui, depuis que je travaille ici, oui. Donc, vous les avez... Ils ont rejoint cette troupe au moment où ce théâtre s'est monté, alors Plus ou moins. Le groupe existait déjà avant. C'est juste que, comme ils font aussi partie d'une initiative populaire qui donne à donner de la musique et des concerts à des jeunes gratuitement, on s'est vite retrouvé finalement dans les idéaux. Et rapidement, les deux groupes ont connexé. D'accord. Il n'y a pas eu de nouvelles recrues récemment dans... chez vous des gens qui... Non, la dernière recrue date d'il y a 3 lunes. Ce qui fait... 3 mois. 3 mois. Donc, et rappelle-moi vite fait, parce que je ne me rappelle plus, c'est quand qu'il a été tué là ? Il a été tué au début... Il a été tué au tout début. Excusez-moi, je recherche la date, histoire de ne pas dire vos bêtises. Donc le 1-2 Verdet 1131. Donc il y a une lune de ça. Enfin, quasiment. Enfin, vous êtes toujours dans la même lune en fait, mais. Ouais, donc il y a. Ok. Vous pourriez me. Sans forcément l'appeler ou que ce soit, me montrer cette personne? Oui, tout à fait. Mmh. Je vois que quand il te raccompagne à l'extérieur, il t'indiquera d'un geste de la main de qui il s'agit. Et pour le coup, il s'agit d'une jeune femme, la vingtaine, aux cheveux blonds, très courts. Et voilà, il te l'indique. Ok. Cœur moyenne, taille moyenne, enfin voilà. Une personne qui a pas l'air de sortir des... Il voilà, n'y a pas un trait spécifique, c'est ça ce que ouais, d'accord, une vingtaine, la vingtaine, ok. D'accord. Merci beaucoup. Écoutez, bonne journée à vous et attention à vous encore une fois. Okay. Vous sortez de cette conversation et je vous pose la question du coup de... bah, tout simplement, qu'est-ce que vous comptez faire quels sont vos plans pour la suite, ce genre de choses. Si on continue sur le plan que j'ai lancé et qui est très fructueux pour le moment, autant profiter qu'il y ait Aaron juste à côté, parce que... Très bien. Après, si les autres veulent continuer sur cette piste-là, parce que moi-même, je suis pas sûr d'être toujours autant motivé, mais... Bah après, il y a toujours la piste des loges pour essayer de peut-être avoir un, quelque chose par rapport à, ouais, à mais ce costume. Les loges, c'est l'art. Là. Ils sont 3000 là-dedans, dans les loges. Surtout que c'est tous les deux qui sont pas reconnus, donc ils sont 3 millions. Non, mais c'est pas forcément pour avoir... c'est pas forcément pour dire que la personne fait partie des loges, mais ce serait plus pour... avoir l'adresse d'un grand artisan qui serait qui fait ce genre de costume pour peut-être avoir une piste vers le procedimento qui arborait justement ce type de costume qui avait l'air d'être c'était pas un juste tout enfin c'était pas une tenue genre tout pourri qui sort de nulle part, ça avait l'air d'être quand même assez complexe. Parce que plusieurs tissus, les uns sur les autres, couleur rouille, qui fait un peu militaire. C'est... D'ailleurs, conteuse, si je me souviens bien du terme de MJ, ma prof de représentation, elle est chez les antiquaires. Elle est chez les antiquaires. Ouais. Et c'est elle qui m'a passé mes costumes, donc peut-être qu'elle est bien placée. Vous avez un gros flashback en réécoutant des sessions. Je peux même que la personne qui vous a indiqué. Bah oui, c'était pas moi. C'était lui. C'était l'escalier. Vous disiez que c'était la. Vous disiez que c'était une des. Enfin, une des meilleures dans son domaine, les antiquaires. Okay. Voilà. On va tabasser nos profs. Oui, tu peux faire ça. Après, c'est comme vous voulez. Sinon, on continue sur ta piste. Et puis, si jamais ça donne vraiment rien, on a toujours cette piste-là. Après, on a toujours Aaron à côté, alors autant en profiter avant même d'aller ailleurs sur André. Très bien. J'aimerais savoir, globalement, c'est pour voir un peu la suite des événements, ce que vous comptez demander à Aaron. Moi, j'ai prévu de demander plus ou moins la même ligne directrice. Okay. Citer des noms, demander s'il a beaucoup bougé, demander aussi s'il sait par rapport à Fotus, hein, les mêmes questions de ce que j'ai dit. C'est-à-dire les questions sont pour lui et pour Fotus. Ok. Je vais le faire en semi-direct. Parce que, bon, je vais être honnête, hein, c'est quand même le concierge, c'est peut-être pas la personne la plus bien placée pour connaître les questions personnelles sur Fotus, etc. Mais vos questions ont quand même un intérêt, et c'est ce que je vais jouer là tout de suite maintenant. Mais voilà, je préfère vous dire, on va commencer Inidares dans la conversation, et il y a eu avant ça des questions qui ont eu des réponses plutôt banales, et malheureusement qui, vous savez, ne l'aideront en rien. Tout simplement parce que c'est le même genre de réponses, non, pas voyager, ce genre de choses. C'est surtout sur la question, si j'ai bien compris ce que tu as à dire, tu refais la même chose qu'avec Victor, tu refais les noms. Ouais. Ok. Eh bien, ouais, tu étais en train de repasser les noms en boucle, et au moment où tu dis, excusez-moi parce que je suis en train de naviguer entre 15 milliards de dossiers, le moment où tu parles de... Que je ne dise pas de la merde, parce que j'ai que ça soit la bonne personne. Oui, c'est ça. Au moment où tu parles de Théana, il réfléchit longuement et finit par répondre son nom me dit quelque chose. Il me semble. Oui, ça commence à me revenir. Un an de ça, elle était venue à Venise dans le cadre d'une représentation très importante. Vous savez, il y a une fête, enfin, il y a toutes sortes de journées dans l'année qui sont dédiées à des loges, des concerts, ce genre de choses. Et notamment lors d'une fête pour un concert, je ne sais plus lequel, je me demande si c'est pas celui finalement de la photographie, un peu comme dans les prochains jours qui viennent, c'est rigolo. Quoi qu'il en soit, elle était venue pour ça, et elle a fait une présentation et elle est restée plus longtemps finalement, mais en... Malheureusement, au milieu de l'année, elle a disparu. C'est quand ça, le festival photographique? De la photographie? J'ai un doute, attendez. Tu vois qu'il vous quitte deux secondes, il va vers le groupe. Il échange quelques mots, puis revient vers vous. Ah bah, c'est marrant, parce que c'est vraiment, vraiment bientôt... c'est le 3 de la prochaine lune. Le 3-3? Oui, c'est ça, oui. Ah, oh. Je vois. C'est qui organise ça? C'est justement les photographes? Oui, c'est le concert de la photographie. Ils se sont mis d'accord, ça remonte il y a 10 ans, je crois, quand ils ont eu le droit à avoir cette journée à eux et vous savez, la photographie n'est pas forcément... Enfin, même moi, je trouve pas ça très intéressant. Hein, Mais voilà, le concert, du coup, s'est imposé. Et voilà, du coup, le concert fait une journée à Venise de fête autour de la photographie. Tout le monde sort, fait de l'art. Enfin, c'est Venise, hein, vous savez ce que c'est. Hein. Tous les deux jours, on trouve une excuse pour faire des représentations publiques. Vous savez s'il y a des gens du théâtre qui y vont? Oh oui, mais toute la ville participe. Nous organisons rien cette année, parce que nous sommes en deuil. Mais l'année dernière, on avait fait une prestation. Oui, non, je demande des individus, des gens qui travaillent avec vous sur ce théâtre. Est-ce que vous savez si cette année, enfin, sur si ce festival-là, enfin, du coup, ce concert, il y a des gens qui y vont, si, ne serait-ce que pour y être. Bon, je pense, oui. Je pense. Oui, oui. Pour lui demander, mais il y a de fortes chances. Eh bien, merci pour vos informations. Avec plaisir. Tu le quittes là-dessus. Oui, bah, en soi maintenant, est-ce que vous êtes partant pour aller voir du coup celle qui est dans la loge des Antiquaires, que tu connais déjà, pour lui poser des questions sur un possible artisan ou elle-même qui serait capable de faire ce genre de costume? Moi, je suis partant. De toute manière, les autres... Tiens, les autres, ils étaient là ou pas? Tu sais, Maria... Oui, Maria, en fait. Maria, elle était là? Non, Maria, elle est pas là. Okay. Vous savez qu'elle est surtout prof, elle. Hein. Donc, ouais. Oui, elle a... Voilà. Mais sinon, non, il n'y avait pas d'autres personnes immédiatement de vos connaissances là-dedans. Vous m'avez compris. Après, c'est... Ouais. Écoute, voilà, je vous invite à... Allez voir. En même temps, le nombre de pistes n'est pas flagrant, donc autant essayer de suivre un costume. Après, est-ce qu'il n'y en a pas des tas des. Eh ben, on verra bien, tu vas lui décrire exactement bah, ce que t'as vu. Ouais, ok. En même temps, la manière dont la femme a décrit le truc, c'était quelque chose qu'elle n'a pas vu souvent. Enfin, du moins, oui, c'est vrai. Elle a été troublée par cette tenue. Oui, puis avec un peu de chance, on pourrait tomber sur voilà. quelqu'un qui. Voilà. Ok. Vous allez du coup vous y rendre, non pas ce soir même, pour la simple raison que le temps commence à passer et que voilà, il faut quand même le temps le temps d'y aller, etc. C'est long. Donc vous allez passer une nuit supplémentaire. J'aimerais savoir, est-ce que vous. Je vous pose la question, est-ce que vous préférez du coup dormir au QG pour une question de gain de temps, peut-être de sécurité, etc. Parce que le QG est quand même plus proche de votre objectif final. Ou est-ce que vous, le soir venu, vous ne changez pas vos habitudes et chacun rentre chez lui je pense que je vais aller au QG. Au QG aussi. Ouais. Moi, je rentre chez moi. Parce que j'essayais d'éviter avant, mais maintenant qu'il est en contact avec le truc, autant être là au cas où il se passe quelque chose. Je comprends. Ouais. Hugo, après moi je me dis je pars du principe ou pas. Ah oui pardon. Oui quoi? Est-ce que tu dors au QG ou est-ce que tu rentres chez toi? Je vais peut-être rentrer chez moi c'est exceptionnellement enfin plutôt rentrer chez ma tante. Ok. Donc je dis, moi je pars du principe que comme il peut faire ce qu'il veut El Procedimento et qu'il se joue un peu de nous dans le sens pour lui c'est un jeu plus qu'autre chose puisqu'il est capable quasiment de d'aller où il veut quand il veut et laisser des messages par enfin de tranquillement je pense qu'il fera rien avant le 3-3 Verde donc en soi aucun de nos membres de la famille sont en danger avant cette date là du coup je veux pouvoir être le plus efficace possible, le plus rapidement possible pour qu'on puisse trouver le trouver ou au moins mettre en sécurité la personne qui est la cible. Le lendemain, donc le 23 de Verdi 1131, plus ou moins la veille du départ de Sofia. Bref, vous vous retrouvez le lendemain. Et rapidement, en fait, vous allez vous retrouver directement à la loge des antiquaires. Mais bonne raison que c'est plus simple au niveau de disposition que tout le monde se retrouve au QG et puis aller là-bas. Donc vous retrouvez devant la loge des antiquaires, hein, je vous rappelle, cet énorme bâtiment qui s'allonge sur des mailles. Hein, et pour le coup, je vous laisse... Alors, Kornilov, toi, tu sais où la trouver maintenant Puisque tu es rentré un peu plus en contact avec elle, hein, ça y est. Donc tu sais où se trouve son atelier, ce genre de choses, mais je vous laisse du coup me décider un peu comment vous voulez prendre le truc, si vous voulez discuter avant, vous avez le droit. Enfin voilà, je vous laisse juste avant pour discuter. Bah, je pense que on n'a pas beaucoup de temps à perdre, ça va très vite. On a déjà pas mal enquêté avant et on était déjà tombé sur une impasse, donc. Il faut pas qu'on traîne trop à essayer de faut y aller quoi faut y aller parler et puis on verra on va pas à côté quoi voilà c'est ça donc on va directement la voir la personne et puis hop vous tombez sur elle hein, et comme à son habitude elle est soit en train de designer des tenues, soit en train de faire quoi, mais là, elle est en train, voilà, dans son atelier, en train de travailler, tisser, ce genre de choses. Quand vous rentrez... Bonjour. Bonjour. Ah, Kornilov. Bonjour. Vous ramenez des amis aujourd'hui? Je ne suis pas là pour les rendez-vous habituels. Ah. Dites-moi. Nous avons des questions à vous poser vis-à-vis d'une certaine affaire. Et nous aurions besoin de quelques informations à propos de certains costumes que vous auriez pu voir passer ou non. Et je tourne la tête vers mes compagnons, vu que c'est eux qui ont eu le plus de descriptions de ça. Et il y a Esther qui l'a vu directement elle-même. Donc. Du coup, toi, Esther, t'as vu le même genre de costume? Ou c'était. C'était autre chose? Il me semble que c'était le même. Hein. Je confirme. Ouais. Je me demande même, est-ce que ce serait pas possible? Alors. C'est... Non, ouais, non, en fait, non. Ouais, ouais. Je me demandais est-ce que je pourrais pas faire un plan, un dessin du truc, mais c'est vrai que. Même si j'ai un. Enfin, finalement, je sais pas dessiner vu que les plans, je les fais dans ma tête. J'avais oublié cette partie. Bon, du coup, je te laisse. Vu que tu l'as vu, je te laisse. Ouais, donc en effet, je vais. Si je peux. En essayant d'associer ce que l'on m'a dit, en tout cas de la personne qui l'a vu plus longuement que moi, et de ce que moi je me souviens, en utilisant peut-être des références un peu textiles, si j'en connais, justement, je vais peut-être insister sur cette matière qui ressemble un petit peu à la couleur de l'écrime lors de la rouille, etc. Ce genre de choses. Ouais, bah, je vais te demander un petit jet. Et évidemment, demander si jamais quelqu'un leur avait pas commandé quelque chose de similaire. Okay. Bon, du coup, je l'aide à argumenter vu que je ça. Donc, si ça peut dire, même si jamais ils ont un endroit où ils vont garder des traces des achats, je sais pas si ça existe du coup. Peut-être on peut réquisitionner ce dernier pour le consulter. Alors, les traces des achats sont. Ouais, faut espérer qu'ils tiennent des plaques, mais. C'est ça, malheureusement, plus compliqué que d'écrire un truc sur une liste. En termes d'économie de. Mmh. Économie de métal, hein, non, c'est ça. Quand c'est des achats très importants sont enregistrés sur disque phonographique avec contrat oral, mais des achats basiques, c'est très rare. Ok, ok. Du coup, est-ce que le fait que je fasse, je peux l'aider ou pas? Oui, tu vas pouvoir faire un jet, on verra ce que j'en fais. Sachant que c'est un jet de représentation. Pour en fait, ouais, pour le coup, c'est savoir vos connaissances pour utiliser les bons mots pour décrire. Alors. Huit. Et okay. 8. Ça fait 16. C'est un très très bon jet. Mais c'était donc ça la technique. Non, ça va être les marges qui vont compter et. Malheureusement, le choix des mots n'est pas évident pour parler de textile, surtout que vous n'avez pas beaucoup de rapport avec le textile dans la vie. Ce n'est pas un domaine qui vous a passionné plus que ça pour le moment. Et du coup, vous galérez quand même un peu hein, dans le choix des mots, ce genre de choses. Malgré tout. Avec vos descriptions, certains mots choisis, vous voyez qu'elle réfléchit. Je ne pense pas que ce soit une tenue de troupe. Ça m'a l'air assez particulier, et surtout si le côté militaire s'avère réel, il faudrait peut-être plus chercher du côté du ministère de la guerre, hein, qui font ce genre de tenue. Nous faisons que des représentations, nous, mais qui. Enfin, je veux dire, n'importe qui a un tant soit peu rentré dans l'armée, voit très bien que nos tenues n'ont rien de très concret militairement parlant. Ce ne sont que des tissus. Ils ont assez peu de ressources, finalement, métalliques en renforcement. Alors, si la tenue que vous cherchez contient des véritables. Exosquelette, j'ai envie de dire, métallique pour renforcer la tenue. Dirigez-vous plutôt vers ceux qui s'occupent de ce genre de tenue. En tout cas, d'accord. Nous, on n'a jamais construit ce genre de choses. Enfin... D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Nous avons été ravis de vous rencontrer. Nous allons devoir y aller. Non, il n'y a pas de souci. Et. Réfléchissez beaucoup à des tenues. Vous m'avez dit, il y a la couleur de l'écrime lors de la teinte rouille, c'est du brun mordoré. C'est souvent des unités qui se meuvent dans. Enfin, qui doivent bouger Rarement les unités qui servent de protection, comme par exemple nous avons ici à Venise, rarement ont des tenues de cette couleur. C'est généralement des troupes mobiles. Ok, des interventions. On commence vraiment à tenir un truc là quand même. Pourriez-vous juste répéter donc ce nom de couleur que vous avez, teinture brun d'or, brun mordoré. Je peux même vous le dire de manière. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos renseignements qui nous seront, je suis sûr, très utiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous écoute. Si, il y a eu un. J'ai cru entendre un début de E de Charlie, si je ne dis pas de bêtises. Avant, non, pas du tout. Ah non, bah excuse-moi. Kornilov, ne tardez pas trop pour la prochaine leçon. Oui, je serai là dès que je pourrai. Très bien. Du coup, on s'en va et je regarde mes collègues. Mais il s'avère que j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider. Une personne que j'aurais pas cru avoir besoin tout de suite. Ce que je pense, elle pourrait nous être utile. Ouais. T'as eu le temps de l'assainir depuis ? Disons que on a pas mal discuté, on a fait un peu plus connaissance et le fait que je m'intéresse à son cas et à son dossier, elle est un peu plus à l'écoute de ce que je lui ai raconté. Et puis avec un ou deux verres de plus, voilà. Eh ben, heureusement qu'on a eu notre argent entre temps. C'est quand même assez horrible comme relation. Oui, Hugo, oui. Quel serait l'intérêt d'interroger cette personne? Car personnellement, moi, de ce que j'en sors de ce que nous avons appris maintenant, c'est que le prochain lieu où nous devrions mener à l'investigation serait le ministère de la guerre. Oui, mais si tu veux. Elle a des oreilles un peu partout dans le ministère de la guerre, si tu vois ce que je veux dire. Et là, effectivement, je suis convaincu. Eh bien, et cette personne, à partir de quel moment de la journée la retrouve-t-on N'importe quel moment de la journée, quand il s'agit de boire un coup. Elle est là tout le temps. Eh bien, dans ce cas, déguster une délicieuse absinthe. Ouais. Dans notre café favori. Voilà. Génial. Allons-y. Eh bien, c'est parti. Allons-y. Vous vous rendez tous les quatre à la rencontre d'Elsa. Vous allez prendre un petit trajet. Encore une fois, trajet très agréable. Je me détaille pas beaucoup les trajets parce que vous en faites énormément. En fait, vous êtes très mobile. Hein. Mais de temps en temps, j'aime bien réindiquer quand même que notre chère Esther vous a fait quand même des vélos. Magnifique, hein. Ouais. J'avoue. Vous dites quand même que à la base un vélo ça coûte 10 liges. Là les vôtres vous les revendez 50 liges sans aucun souci. Hein. Vous faites quasiment 2 mois de salaire. Sachant que c'est pas encore fini. Il y aura d'autres améliorations au fur et à mesure. Sachant que ce n'est pas fini. Esther, tu pourrais peut-être même un jour vendre ton truc à une loge, un concert, un truc comme ça et faire une start-up. Top. Venise, la Startup Nation. Non, ça marche pas. Venise, c'est à vide. Non, on va éviter. Par contre, voilà, tu vas mettre ta lume, tout le monde est prêt. Bon, quoi qu'il en soit, vous vous rendez là-bas. J'ellipse encore un peu ce trajet. Et vous rendez tout simplement à ce bar hein, qui, en fait, se retrouve, comme je le réindique, mais qui est vraiment, en fait, dans la rue où se trouve le ministère de la guerre, le bâtiment institutionnel du ministère de la guerre. Donc, l'avantage, c'est que si vous avez besoin de faire un saut, c'est immédiat. Hein, là, pour le coup, le trajet sera 2 minutes de marche. Et vous arrêtez dans ce petit café dans lequel vous l'avez déjà eu, rue de la Chouette. Et vous rentrez dedans. Il y a encore plein de militaires, hein, toujours abreuvés dans ce lieu. Et Victor, toi, ça y est, tu sais maintenant comment on l'a trouvé, tu sais plus ou moins sur quel coin elle traîne. tu sais dans quel coin elle traîne. Et du coup, tu lui fais signe en rentrant, et puis elle vient s'asseoir à la table, cette même table dans laquelle vous étiez assis. Sans même avoir besoin de commander, le serveur, qui commence à avoir l'habitude des réunions que tu tiens avec elle, voilà, juste par en vous voyant, ramène directement, tout simplement. Et attendez que je compte, 1, 2, 3, 4, 5, oui voilà, 5 verres de whisky. Le tout coûtant extrêmement cher, hein, puisque je rappelle qu'on est à 15 liges là, le verre, hein, c'est un demi-salaire. Mais voilà, ça fait partie des habitudes qui peuvent coûter cher. Alors, pour ceux qui veulent moins cher, hein, vous pouvez commander un petit rhum qui coûte que 10 liges. Mais voilà, dans tous les cas, vous êtes dans du... Bon voilà, comme d'habitude, ce bar est extrêmement cher. Et Victor, quand même, tu penses quand même que ça serait bien de lui dire peut-être de traîner dans des bars un peu moins chers. C'est ça. Parce que, par chance, hein, elle paye quand même beaucoup de choses. Et typiquement, maintenant, quand tu viens prendre un truc, ça va directement sur son ardoise, sauf si t'indiques payer. D'accord. En gros, quand il y a un service rendu. Tu vois, il y a des choses comme ça qui commencent à venir organiquement entre elle et toi. Quoi qu'il en soit. Donc vous n'avez pas à vous retirer les 15 liges de votre salaire. Déjà qu'il vous en reste que 15, ça serait un peu difficile pour vous. Du coup, voilà, quoi qu'il en soit, elle s'assoit et puis voilà, s'ouvre à vous. Vous avez amené vos amis ou... Oui, vous oui, oui. Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Oh, ça va comme une personne qui n'a toujours pas sa pension. Ouais, d'ailleurs j'ai peut-être de bonnes nouvelles pour vous. Pour toi, maintenant, on peut se tutoyer, bien sûr. Oui, effectivement, je viens d'avoir un rendez-vous avec le ministre en personne. Pour évoquer justement cette, vous l'avez cette injustice qui t'a été faite. Vous l'avez rencontré Eh bien, la date a été fixée. Oh. Et oui, ce sera le 3-3 Verdé. Oh, Oui, oui, oui. C'est bientôt, je ne saurais comment vous remercier. Ah bah, justement, je pense que c'est peut-être là l'occasion de me remercier. Voilà pourquoi nous sommes là avec mes camarades. Nous sommes... Nous désirerions trouver peut-être dans tes connaissances quelqu'un qui pourrait nous indiquer les personnes qui gèrent le matériel, notamment les tenues militaires, souvent des troupes d'intervention et de mouvement. Oui, vous savez, ma femme travaillait dans l'armée. Je voilà, connaissais là. Vous cherchez quoi exactement? On voudrait avoir accès peut-être à la consigne. Vous savez, là où tout le monde y a cherché son uniforme. Son équipement. Non. Non. Ah. Non, non, non. Si vous avez besoin, vous savez, ma femme était... Et chassière, et j'ai son uniforme, si c'est ce dont vous avez besoin. Non, ce que nous voudrions, c'est rencontrer quelqu'un. Nous aimerions rencontrer quelqu'un qui s'occupe justement de donner à la Bleusaille ou aux promus leurs nouveaux uniformes. Enfin, j'imagine plutôt aux promus. C'est un bel uniforme sur lequel nous enquêtons. Autant j'ai beaucoup de oui-dire, j'ai même beaucoup de connaissances hein, dans le milieu. Mais des contacts, le ministère de la guerre, excusez-moi, a tendance à me virer dès que je m'approche. Donc, Et du coup, quel genre d'uniforme elle avait? Tout simplement les tenues de traversier, des chassiers. Exactement. Elle avait... Bah, une tenue pour chacune des teintes de l'écrime. Ah, et comment elles étaient, effectivement? Enfin, je les connais pas. C'est de très jolies tenues. C'est Vous savez, vu que les échassiers traversent de part en part les crimes, l'unité militaire a tendance à se camoufler en utilisant des couleurs de les crimes. Est-ce que par hasard, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais les tenues seraient plutôt dans une teinte qu'on appellerait brun mort doré? Oui, j'ai eu accès à l'éducation. C'est la couleur de l'écrime, une fois la rouille venue. Les tenues de traversier, enfin des chassiers, excusez-moi. D'accord. Je n'ai pas assez bu, je confonds mes mots. Non, non, il n'y a pas de... le vide. Hein. Elle vide son verre. Oui, voilà, les tenues des chassiers. Oh, merci, monsieur, de proposer votre verre. C'est Cornilope qui a proposé son verre. Je l'indique pour les gens qui n'ont pas de webcam. Cornilope, voilà, a tenu son verre, elle l'a saisi, elle le boit aussi cul sec. Elle a un petit toquet. Voilà. Donc, les tenues des châssis sont faites pour du coup se camoufler au milieu des crimes. Et oui, du coup, chaque tenue correspond à la couleur, un verdâtre, mort doré. Eh bien, je serais tout à fait intéressé par celle-ci, justement. La brun mort doré. C'est tout à fait le genre de tenue que nous recherchons. Je les garde chez moi. Ah mais bien sûr, j'avoue que ce serait vraiment très sympa de ta part. Est-ce que l'un d'entre vous n'a pas fini son verre? Ah moi j'ai bu, bon, c'est terminé. Moi du coup, parce que je te donne... Comme je le bois très lentement, j'imagine qu'il n'est pas complètement fini. Okay. Bah tu vois qu'elle se tourne vers toi juste avant de se lever. Si vous avez pu soif, je peux vous aider. J'aurais pas gaspillé. Ce serait triste de faire des gâchis, je vous en... Tu vois que du coup, elle prend ton verre, elle vide ce que t'as laissé. Et puis bon, en route. C'est parti. Vous la suivez. Vous remarquez d'ailleurs qu'elle marche plutôt droit, hein, ça par contre. Vous dites qu'à faire ça tous les jours, son corps doit avoir maintenant une certaine résistance à certaines choses. Dans tous les cas, au bout de 15-20 minutes de marche, vous arrivez en fait à un petit taudis, qui est quand même dans la haute ville, hein, mais c'est vraiment une chambre en fait par défaut, et en fait c'est le ministère de la guerre, vous explique ça sur le trajet, qui lui a donné cette petite chambre pour qu'elle puisse habiter tout simplement, malgré tout. Et voilà, elle habite dans un, vraiment quelque chose d'assez serré, et elle vous fait rentrer, et en fait, vous ferez d'abord rentrer chez elle, et une fois tous à l'intérieur, elle sort un... à chaque fois j'oublie ce mot alors que... voilà, elle sort un petit layette, et enfin un petit layette, un grand layette en vrai, et tout simplement dedans elle sort du linge, et dans ce linge se trouve justement la tenue qui a fini par sortir, et elle vous sort en fait tout simplement deux pièces, parce que c'est un vêtement... de pièces, et vous voyez simplement une tenue qui prend qui va du torse jusqu'aux jambes, hein, c'est les deux pièces, le torse et le buste et les jambes, et de couleur mort doré pour le coup. Alors c'est pas un mort doré parfait, parce que vous m'avez dit bien que donner cette petite rayonnance dorée dans du tissu, c'est pas évident, mais vous comprenez clairement que c'est suffisant comme brun pour être camouflé effectivement en plein milieu d'une détendue des crimes. Et est-ce que moi je reconnais un petit peu le truc, enfin, eh bien, le type? La réponse ne changera pas, mais je vais quand même demander un petit jet pour voir à quel point, tu vois, ça peut être positif ou négatif. Et du coup, je vais te demander un petit jet de... Excuse-moi, il me faut une fiche pour voir déjà les compétences qui existent, parce que j'ai toujours pas appris par cœur. Ça reste. Je vais rester dans la représentation parce que c'est vraiment dans la tenue. Ok, 10. C'est pas parfait. C'est bien ça. Eh bien, tu reconnais une partie de la tenue. C'est-à-dire que, effectivement, c'est-à-dire que. Comment dire ça? C'est comme si cette tenue-là avait servi de base à la tenue que toi t'as cru te apercevoir. Sinon tu te bases sur des souvenirs, hein. Mais sur tes souvenirs, il y a de la surcouche, il y a des trucs qui ont été rajoutés, des lanières de cuir, ce genre de trucs, voilà, mais c'est effectivement, ça a l'air d'être une bonne base. Moi je regarde Esther, hein, quand... Je peux regarder les autres pour leur faire passer le message. Ok. Tu leur fais passer le message. Du coup, je la regarde et je dis... tu penses que... Je sais que c'est pas facile pour toi de te séparer de ce genre de souvenirs, mais crois-tu que nous pourrions récupérer cette tenue ? Vous comptez la rendre ? Oui, tout à fait. Dans un premier temps, l'emprunter, oui, bien sûr. Oui, d'accord. Toi qu'elle te l'attend. Okay. Après tout ce que vous avez fait pour moi, je vais enfin avoir cette pension. Ouais, t'inquiète pas. Je vais militer en ce sens et on te rendra ce qui te doit. Toi qui te remercie. Pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres choses à lui demander ou est-ce que vous passez J'essaie de réfléchir un petit peu quand est-ce qu'elle est décédée, sa femme? C'était il y a longtemps. J'ai oublié exactement la date, excusez-moi, je n'ai pas sa fiche sous les yeux. Mais je me souviens que ça fait longtemps, en tout cas, qu'elle l'attend déjà pour le service. Donc ouais. Tu peux compter ça au moins en année. En année, ouais. Ouais, donc en soi, ça peut ne pas avoir d'intérêt pour nous. Bah, en tout cas, si jamais tu entends quoi que ce soit autour de toi sur ce genre de tenue, particulièrement, n'hésite pas à me dire et me tenir au courant par rapport à ça. Je surveillerai les échassiers. D'accord. Merci beaucoup. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà assisté à des rassemblements des châssis, enfin, avec quand ta femme était toujours vivante? Moi non, mais vous savez, les échassiers n'aiment pas beaucoup les passeurs de la basse ville. Vous savez que y a des échassiers parmi les guides qui peuvent vous permettre de faire des trajets et là-bas, il y a des rassemblements assez communs. Parce que, connais-tu... Donc, parmi ces passeurs, il y a beaucoup d'échassiers, c'est ce que tu nous dis, d'anciens échassiers. Non, je dis juste que... ce ne sont pas des échassiers... Enfin, ce sont des échassiers, proprement parler, juste ce ne sont pas des échassiers militaires. Mais... Je ne sais pas ce que vous attendez de là-bas, enfin d'eux, mais... Mais est-ce que tu aurais... dans tes contacts, justement, des anciens, enfin des échassiers militaires avec qui qu'on pourrait voir, qu'on pourrait rencontrer. Oui, y a-t-il je ne sais pas, de club de vétérans, ce genre de choses? Tu n'es pas au courant? Je n'ai pas ouï dire, mais je peux essayer de mon côté voir si quelqu'un pourrait faire l'affaire. Vous me laissez juste quelques temps pour la. Oui, pour non, il n'y a pas de. Sais-tu les prérequis pour être un échassier? Est-ce que, par exemple, une grande taille serait discriminatoire? Il n'y a pas tant de prérequis, puisque c'est l'affaire de tous de pouvoir traverser les crimes en échasse, mais les échassiers sont surtout des gens de caractère, parce qu'il faut... Enfin, la moindre erreur et vous finissez dans les courage. Crimes... Oui, ce sont des gens très, très courageux, très droits. Et dernière question pour moi, et je ne t'embêterai plus après ça. Est-ce que tu crois que, ou tu as déjà eu l'occasion de voir, si les supérieurs de ta femme avaient arboré des tenues un peu différentes ou un peu plus étoffées que celle-ci? Étoffé, oui, parce que cette tenue n'a pas l'équipement militaire, des masques, ce genre de choses. Ma femme aussi partait un peu plus vêtue que ça. Elle reste la base de la tenue, mais enfin, il faut quand même pouvoir prévoir des longs trajets, ce genre de choses. Mais sinon, les tenues sont pas si différentes. Ouais, il n'y a pas de cuir, de lanière de cuir, ce genre de choses sur la tenue, quoi. Non. Non, non, je pense. Non, okay. D'accord. Bah écoute, on repassera te voir pour savoir si tu as réussi à trouver des échassiers militaires qu'on pourrait rencontrer. Et en tout cas, bah, de mon côté, je continue à voir pour toi et dès que je verrai le ministre, je ferai en sorte que on te donne ce qui t'est dû. D'accord, merci. Je vais essayer de faire mon mieux. Merci beaucoup. Merci à toi. Si les autres ont des questions. Non. Non. C'est bon pour moi. De même. Ok. Vous la laissez donc. Après, c'est vrai que vous avez déjà eu beaucoup de sa part. Hein. Même plus que peut-être ce que vous espérez. Hein. Bah oui, attends. Un autre, il est comme ça, mais. On a fait un bond quand même. On sait qu'il a une tenue d'échassier militaire. Ouais. C'est vrai que. Vous l'avez dit que sa femme était échassière, morte, tombée dans les crimes. Donc, c'est pas rien. Hein. Là, on a avancé vachement, quoi. C'est vrai. En tout cas, ma question va toujours être la même. Hein. Je suis désolé, moi, je vais un peu reboucler, mais. Encore une fois, c'est de vous va venir l'initiative. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Genre que nous sommes en milieu d'après-midi. Est-ce que vous avez une idée ultimate ? Je sais pas, je regarde les autres. J'imagine que ce qui nous reste, c'est soit s'intéresser un peu plus à l'histoire du concern des photographes et surtout son événement, potentiellement, enfin surtout son événement non, mais son événement a eu peut-être un intérêt. Et soit ça, soit continuer avec mon plan initial, mais il n'a pas l'air extrêmement incroyable, donc... Ça me reste pertinent de revoir un casier. Alors, moi, est-ce que je serais au courant, vu que je suis un peu impliqué dans le milieu de là, je me demandais, en fait, s'il n'y aurait pas un peu comme, tu sais, genre, aujourd'hui, dans notre monde en France, les académiciens, ils ont des uniformes un peu, entre guillemets, militaires, genre, est-ce qu'il n'y aurait pas ce genre d'institution qui serait pas. Un truc dans le genre qui serait un peu connu, qui arborerait des uniformes militaires, mais alors qu'ils en sont absolument pas, quoi. Genre vraiment. À Venise, ou que je sais pas quoi, une académie de la langue, un truc en particulier, un groupe, je sais pas, n'importe quoi. En fait, non, mais ça, c'est une bonne question, parce que ça permet de parler un peu de background, surtout vis-à-vis de Venise. Simplement parce que, contrairement à notre monde à nous, le parallèle est intéressant, parce que dans Venise, hein, les instituts artistiques sont celles qui dirigent la ville, finalement. Donc en fait, finalement, leurs uniformes sont pour le coup des vrais uniformes legit à porter. D'ailleurs, je ne sais plus c'est quoi exactement le nom de l'entité qui contrôle la ville, mais si vous préférez, il y a en fait un rassemblement avec les maîtres de chaque loge de masse, de la node, de la glyphe, de la lettre, etc. Et en fait, je ne crois pas que c'est tous les ans, mais toutes les dates, excusez-moi, je n'ai pas forcément révisé ce chapitre-là, désolé, mais date précise, ça me fait quand même un peu de background. Ils élisent en fait une personne qui dirige ça, mais en gros voilà, il y a des conseils artistiques et c'est ça qui domine principalement la ville. C'est pour ça par exemple que le ministère de la propagande, la guerre, tout ça sont plus minimes à Venise, parce que la ville est surtout sous l'artistocratie. Donc il n'y a pas d'entité comme ça qui dérogerait à la règle. Parce que la plupart, du coup, sont vraiment légitimes, comme la police de l'œuvre, hein, typiquement, qui surveille le bien-être des œuvres, mais qui est en fait une milice armée, ce genre de choses. C'est quand même intéressant de poser la question, parce que, voilà, même si... Malgré tout, il y a quand même des, ce genre de personnes, qui, genre les, la police de l'œuvre, ce genre de choses, qui ont des uniformes, mais il n'y a pas de... d'entité équivalente à une académie... Je sais pas si j'étais clair. Non, non, c'est très clair. En tout cas, du coup, tu dis que dans les dirigeances, dans les instances qui dirigent la ville, le conseil de, de l'artistocratie, tout ça, il y a des beaux uniformes militaires un peu en mode ce genre de choses, quoi. Oui, clairement. Bah après, là, t'es dans la très haute société. T'es sur des gens qui dirigent des villes. Tu te doutes bien que, ouais, ils sont toujours sur un truc taillé, uniforme, pas forcément militaire. Mais voilà, il y a quand même des trucs très carrés, très procéduriers, même dans la tenue, quoi. Et question con, pas de brins mordorés, enfin, je sais pas, je les ai jamais vus après tout, mais... Il y a, je veux dire, ça serait pas improbable qu'une des personnes ait une tenue comme ça, après, je veux dire, ça reste une couleur, hein, malgré tout, tu vois, genre... Mais non, après, il y a, en tout cas, ouais, il y a aucune institution de personnalité publique qui est connue pour particulièrement porter du brin mordoré. Au moins, si ça répond en partie à ta question. Après, vous pouvez aller voir la garde-robe des personnes. Sait-on jamais. La vie réserve bien des surprises. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est vrai que vos personnages ont des connaissances que vous, peut-être, vous n'avez pas. Donc, n'hésitez pas si vous avez un doute sur quelque chose. C'est quel tueur? Alors, c'est Hugo. Ensuite. Ah, ouais. Oh non, comment vous avez deviné le brin mordoré, c'était la couleur favori. En plus, vous voulez dire la tenue qu'il a sur son image de... d'illustration. Ouais, ouais. C'est vrai. Attends, parce que je rappelle que chacune des illustrations ont les couleurs de l'écrime. C'est qui a le brin? Mais oui, en plus, oui, c'est Hugo. Oui, c'est vrai. Parce que Esther a le rouge, Candiove a le noir, Victor a le vert, donc Hugo a le brin mordoré. Voilà, du coup... ça, en fait, depuis le début, c'était écrit juste là. Du coup, après... moi, je vous pose la question, parce que là, pour l'instant, du coup, vous n'avez pas décidé exactement ce que vous avez mis des hypothèses de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez très bien décider de prendre une soirée, entre guillemets, de repos, sachant que, par exemple, pour Esther, c'est sa dernière soirée avec, avec Sophia. Carrément, ouais. Donc, enfin, vous avez le temps de faire un truc si vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez besoin de temps de réflexion. Vous avez le droit de faire un petit moment de pause pour réfléchir et du coup... prendre une soirée à réfléchir de votre côté et nous faire des petits trucs à côté. Mais vous avez le droit à des pauses, hein. Vous n'êtes pas obligé d'enchaîner idée sur idée. Donc voilà, je vous repose la question, est-ce que vous avez des préférences? Est-ce que vous voulez faire quelque chose là maintenant tout de suite ou est-ce que voilà, vous partez en mode on n'aura pas mieux tout de suite? Voilà, dites-moi. C'est chez moi que ça bug ou c'est chez... Ah non, c'est Gossette qui buguait, hein. D'accord, c'est, okay. C'est ouais, une fois, c'est pas moi. Ouais. Ouais. Il y a Gossette qui parlait, puis d'un coup, ça... Et c'est étonnant, parce que Gossette, c'est assez rare, donc... Oui, puis que moi, là, j'ai toutes mes barres, donc ouais. Ben moi aussi, enfin... Mais non, je disais... Je vois pas trop... là, c'est sûr que ça nous oriente clairement vers un échassier militaire. Enfin, du moins, une... Quoi? Ça fonctionne plus? Si, c'est Kornilov qui s'énerve. Ouais. Ok. Pourquoi t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. Il y a un uniforme en commun et ça y est, on est parti sur ces forcément. Bah, en même temps, qu'est-ce que t'as d'autre à manger, quoi? Enfin, en soi, à part. C'est un uniforme qui est. C'est clairement, c'est caché. Tu vois, Alors, justement là-dessus, on n'était pas d'accord quand Nilof et moi, on en discutait. On est bien d'accord que ton contact a mentionné un masque, que les échassiers avaient un masque. Pour répondre à la question, enfin, c'est pas une question, mais c'est parce que vos personnages le savent là pour le coup. Les masques des échassiers, en fait, c'est. Le vrai nom, c'est plutôt des masques à gaz. Enfin, c'est pas un masque, c'est plus que des fois. Certains échassiers, surtout militaires, en fait, ont des masques à gaz et ce genre de trucs parce que c'est des militaires en fait. Et donc, ils peuvent utiliser des armes chimiques, ils peuvent faire ce genre de trucs. Même si les armes chimiques ne sont pas très recommandées, bon, c'est l'État. ils font un peu. Et surtout contre les marches mongoles, par exemple, ce genre de choses, ça peut être. Voilà. Mais c'est pas un masque dans lequel, par exemple, Esther pourrait reconnaître le masque qu'elle a entrevu précédemment. Pour le coup, c'est un masque, comme on l'entend, un masque, quelque chose qui prend le visage, quelque chose de plus. J'ai pas envie de dire théâtral, parce que je donne pas d'indice. Je veux dire, voilà, c'est un vrai masque. Je sais pas dans quoi on utilise des masques, mais sinon. Mais voilà, c'est pas les masques militaires, genre masque à gaz, genre de truc. Juste, il faudra bien préciser que même elle nous l'a dit, tout contact, visiblement, il manque un certain équipement que les GCSI portent par-dessus d'habitude, et c'est une tenue de femme qui correspond. Enfin, donc peut-être, j'en sais rien, mais si ça se trouve, peut-être différent de celle des hommes sur certains points. Donc, voir si déjà elle reconnaît la couleur, si c'est bien la même, c'est vrai que ça pourrait nous avancer. Vous, effectivement, la tenue n'a pas les échasses. Hein. Ce message me fait penser, mais les échasses ne font pas partie de la tenue. Hein. C'est un accessoire. Du coup, ce que j'ai compris, c'est soirée. C'est dans le verre à l'eau. C'est dans la rue dessus avec ses échasses. J'ai trois têtes de pute. Dans les égouts, quand il m'a sauvé de l'incendie et tout. C'était ça, les bruits de pacte, t'entendais. Quoi qu'il en soit, du coup, c'est plutôt quartier. C'est plutôt quartier libre. Ouais. Et chacun va du coup passer une petite soirée. Je pose des questions, mais Esther, j'ai déjà une idée de la réponse, donc je finirai par toi. Parce que bon, voilà, on a en tête la même chose, je pense, vis-à-vis de la date. Kornilov, que fais-tu de ta soirée? Eh bien, vu que mes collègues sont partis dans l'idée de faire une pause, moi j'étais vraiment pas dans l'idée de faire une pause. Moi j'étais parti dans l'idée du l'homme qui travaille H24. Tu peux travailler seul, hein. Tu peux commencer. Ouais, mais non, je vais pas le faire, c'est un peu dangereux en ce moment, il paraît. Je suis partant pour t'appuyer si tu veux. Eh bien. Comme tu veux, hein. Non, parce que tu dis que moi j'ai jamais dit que j'avais proposé de faire une pause, hein. Eh ben si tu veux, on part en enquête solo, hein. Enfin, à duo. Mais... Non mais vous pouvez très bien travailler. Enfin, je veux dire, rien ne vous interdit de travailler au moment où voilà, il y a pas de. Je sais pas. En tout cas, je mets à travailler sur un grand dossier sur le fait d'invalider toute la théorie de l'uniforme militaire de Victor, parce que je suis pas d'accord du tout. Et je dis que n'importe qui peut acheter un putain d'uniforme sur le marché noir et me rajouter des capes et un masque. Voilà. C'est pas faux. Donc tu vas travailler à faire un dossier pour contredire Victor. Comme ça, demain matin, il va venir, tu vas lui servir le café et le dossier. Victor, que comptais-tu faire de ta soirée? Bah moi justement, je comptais en fait quand on allait revenir sur le QG, passer voir la voisine et puis lui montrer la tenue au moins pour qu'elle me donne son avis sur si ce qu'elle a vu ressemblait ou pas à ça. Alors il y a plus de gris de femme, est-ce normal? Allô? Oui. Oui. J'ai plus de. Ah, grid femme est revenue. Amoureuse. J'avais plus de grid femme. Plus sur notre grid femme. Ah. C'est pas grave. Eh bien, je vais repartir et je vais revenir. C'est pas grave. Hop. Logout. Bref, moi je te disais. Je te posais la question pour la soirée complète. Je compte le fait que tu ailles voir la voisine, mais. Que fais-tu de ta soirée complète? Tu vas pas passer la soirée avec elle. Tu pourrais, mais... Bonjour, salut, on passe à la soirée ensemble. Non, non, bah, je vais essayer de. Enfin, je vais me reposer déjà et essayer de mettre en ordre tout ce qu'on a eu comme info. Okay. Essayer de faire une synthèse de ce qu'on a. Et ce vous êtes trois à travailler en sous-marin. C'est-à-dire que là, officiellement, vous prenez une soirée de repos, mais finalement, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose qui vous reste en tête. Et même en soirée de repos, vous continuez à travailler en allant moins voir les gens, mais plus en organisant les informations de votre côté. Ce que je vous conseille de faire hier aussi. Du coup, c'est très bien. Je vais poser du coup la question à la dernière personne. Esther, ta soirée. Eh bien, du coup, donc, si j'ai bien compris, c'est l'avant-dernière soirée avant que Sophia s'en aille, c'est ça ? C'est la dernière soirée, c'est la dernière soirée. C'est la dernière ? D'accord. Je crois. C'est pas le bois. Du coup, je pense que je vais faire ce que je lui avais promis, qui était de se rendre, je me rappelle, je crois que je lui avais demandé son lieu favori ou un endroit où elle aimerait bien aller. Et il me semble qu'elle m'a fait, tu me valideras ou pas, malheureusement, j'ai pas ces notes là sur moi. Il me semble que c'était l'endroit où on s'était déjà rendu, dans la haute ville. Et effectivement, c'est cette grande route, c'est la troisième fois je crois qu'on en parle, ce grand jardin suspendu au sommet de Venise qui prend en fait le dessus de pas mal d'une partie de la ville, qui permet de voir tous les horizons, et c'est un endroit très joli. Vous avez prévu de la déguiser, parce que si elle était reconnue là-bas, ça aurait été très problématique. C'est ce qu'on avait dit en effet. Est-ce que toi, tu te déguises aussi ? Mais je pense, enfin, comment dire, peut-être prendre une apparence un peu plus inhabituelle, en effet, parce que si jamais on me reconnaissait, on pourrait la reconnaître. Voilà, directement. Notamment, si j'avais la malchance de croiser, je sais pas, moi, son père, voilà. Ouais. Il reconnaîtrait sa fille de près, quoi, forcément. Effectivement. Donc, après, je pense que j'ai pas besoin non plus de me déguiser. Oui, non, mais. Parce qu'elle insiste. Non, elle insiste pas. Du coup, on reste sur quelque chose de mignon. Vous avez passé la soirée là-bas. À vrai dire, c'est un moment plutôt agréable. Au tel point que je m'autorise même à remettre les musiques d'avant en temps calme et pas cette musique des temps stressés. Tu as droit à un petit moment de répit, toi, dans le récit. Vous avez passé une soirée plutôt agréable. C'est un peu difficile à décrire, parce que c'est beaucoup d'émotions. D'ailleurs, je te laisserai de toute façon les mots pour me dire un peu ce que tu ressens, etc. T'inquiète pas, hein, je fais juste une introduction à la situation. Mais évidemment, il y a un mélange de plein de choses qui est en train de se jouer. Un jeune amour, un départ imminent, que tu sais que tu ne peux pas empêcher, et elle n'a pas envie d'empêcher, malgré tout. Et voilà, c'est quelque chose... d'assez fort, mais malgré tout, voilà, vous êtes sur son lieu préféré, vous êtes assis sur un petit banc et vous avez vu sur les crimes à perte de vue. Et voilà, je vais d'abord demander, toi, actuellement, tes émotions, ce que tu penses, ce que tu ressens, et après je te demanderai un peu comment tu veux mener la soirée. Je pense que c'est assez bouleversant pour Esther, puisque elle est tiraillée entre plusieurs sentiments. Déjà, je pense qu'elles sont peut-être... Enfin, je me sens vachement plus, presque heureux les journées auxquelles faire face à une espèce de moment de paix. Ouais. Donc il y a quand même un bonheur si de partir. Même si c'est comme tu disais un amour un peu. Après, du coup, ce qui vient un petit peu contrebalancer tout ce tumulte de sensations, c'est justement le fait que, malgré tout, tous les gens qui touchent à l'affaire Procedimento, et en tout cas également leurs proches, ont l'air d'être d'avoir une espèce d'épée de Damoclès constante au-dessus d'eux. On atteste le fait que, en quelques semaines, il y a par deux reprises une personne qui a tenté de s'introduire plus ou moins alors qu'on ne se trouvait pas là. Et en plus, la cire retrouvée, par exemple, au niveau de l'appartement de Kornilov et de son mari, auquel il tient plus que tout. Du coup, malgré tout, tu vois, peut-être que ça m'aide à accepter son départ, de me dire que bah, déjà, c'est pour son bien, et qu'ensuite, sans doute que ça la met plus en sécurité que si elle restait ici, pour une raison ou une autre. Une pensée très, très rationnelle. Mais ce qui, finalement, est sans doute un peu triste, et jour, voire semaine qui viennent, sera quelques petits... Oui, effectivement, ça risque d'être... C'est compliqué, mais on est juste du moment présent. Vous avez passé quelques heures là, du coucher du soleil jusqu'à la nuit en fait. À vrai dire, même si tu demandes à rentrer un peu plus tôt, elle va insister pour profiter de l'instant. Il y a quand même ce côté, tu vois, solennel, sentimental et presque à vouloir qu'il ne s'arrête jamais, parce que c'est vraiment un temps de plus repos. Et surtout, vous êtes relativement tranquille. Encore une fois, ce jardin suspendu est énorme. Même s'il est très visité par la haute ville, il y a quand même beaucoup moins de passants que dans la basse ville. Ça se remue beaucoup moins. Et donc, vous avez malgré tout une intimité en fait assez forte, parce que les gens ne vous calculent pas et vous croisez pas tant de gens que ça. Donc, vous avez une intimité dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir ce soir-là. Vous allez pouvoir discuter une dernière fois de vos peurs, de vos amours, de ce que vous souhaitez, et surtout peut-être du futur, hein, se projeter le jour où vous recroiserez sur les traverses. Bah clairement, même si du coup ce sera sans doute plus par hasard qu'autre chose, j'aimerais quand même qu'elle me dise si elle sait à peu près où elle va partir. On en avait déjà discuté des régions. J'ai oublié le nom, je suis désolé, mais je situe. Elle continue d'aller vers le Gloriana. Ouais, voilà. J'aimerais également revenir un petit peu, si jamais je sens qu'elle est sur ce qui lui est du coup, bah, notamment du coup son agression. Ouais. Puisque du coup, nous, on n'est pas forcément au courant des détails, vu qu'à l'époque, elle était en état de choc et que, a priori, son état était le primordial. J'ai l'impression qu'elle va quand même mieux ces derniers temps, et puis vu qu'elle s'apprête à en partir, quitter la ville, peut-être que c'est moins... comment dire, violent, je sais pas. Je sens qu'elle est apte à en discuter. Bah, j'aimerais bien qu'elle me raconte un petit peu ce qui s'est passé. Puis, j'insisterai pas. Eh bien, c'est peut-être le meilleur des moments, effectivement, pour lui demander par la situation, tout ça. Elle est clairement. Elle est dans un petit cocon de confort, etc. Et puis vous êtes dans une intimité assez forte au milieu de fleurs, de jardins, où on fait pousser aussi de la nourriture, mais tout ça. Mais du coup, là, c'est presque idyllique, et donc c'est le meilleur moment pour parler de ce genre de choses. Et tu vois qu'elle se confie finalement, non sans peine, mais elle te fait confiance, et aujourd'hui, t'es quand même une figure rassurante. Et elle te dit. Bah, c'est. J'ai eu honte de ce qui s'est passé. C'était. J'avais eu rendez-vous avec. Par la guide au niveau de ce quartier, quartier des ponts. Là-bas, cinq personnes m'ont. Quatre. Quatre personnes m'ont attendu. Et alors que je pensais finir la transaction, ils ont commencé à me passer à tabac. Quoi ? J'ai cru que je survivrais pas. Et... Pour quel motif ? Parce que ils savent qui est mon père, j'ai voulu leur cacher. Ça. Découvrir la vérité ne leur a pas plu. Non. Et Kaino dans cette histoire? Kaino, je ne sais plus, je... Il y a eu... mon réveil où... où j'étais chez lui. Il m'avait... bordé, mais... je suis parti à votre... à votre recherche. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, Kaino. Je n'ai pas eu de contact avec lui depuis que je vous ai demandé de l'éloigner, ce qui avait marché. Je sais juste que c'est chez lui que je me suis réveillé. J'étais bandé, ce genre de choses. Visiblement, un médecin s'était occupé de moi, mais j'en sais pas plus. J'ai pas réfléchi, je suis parti immédiatement. Et tu es venu nous retrouver directement? À vrai dire, pour être honnête, j'ai réalisé de qui j'étais parti bien plus tard. Quand je me suis réveillé, j'ai fui sans... J'ai pris conscience, en fait, de ce qui s'est passé après, quand j'étais au QG. Et... les souvenirs me sont revenus sur le coup. J'avais réagi juste par instinct. D'accord, je vois. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que tu repenses parfois? Je sais d'expérience qu'il y a des conséquences. C'est pas un bon souvenir. J'essaye de l'oublier autant que possible, mais aujourd'hui, je suis surtout soulagé de savoir que je vais m'éloigner de tout ça. Ça, chaque jour qui passe, ça apaise un peu ce souvenir. À ce moment-là, j'imagine que je la prends dans mes bras histoire de la réconforter. Et je vais, si ça te dérange pas. Non, j'ai demandé tout ce que, enfin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Mettre fin du coup à la session alors que tu la prends dans tes bras pour finir sur une image un peu avec un dézoom sous les jardins.